Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez RDB, la radio des Boutières, et l'émission c'est Zik Actu, votre actualité musicale décryptée sur les antennes de RDB. On commence tout de suite avec un groupe qui s'appelle The Cooks. Le morceau s'appelle Forgive and Forget et c'est sur l'album Listen qui vient de sortir. Forgive and Forget, un titre de leur quatrième album Listen qui est sorti le 1er septembre 2014. On est encore dans l'actualité, c'était 2014. Ça fait un moment que je voulais vous le passer, mais voilà, finalement pour commencer une émission c'est très bien, c'est festif. Donc c'est un groupe de Britpop, un groupe de pop anglaise, formé en 2004, donc qui a une dizaine d'années. On passe maintenant à un groupe américain qui nous vient de New York, de Brooklyn plus précisément, c'est TV on the Radio, qui sort un nouvel album qui s'appelle Happy Idiot, et on écoute tout de suite le morceau éponyme Happy Idiot. Shine. I don't wanna play with a c'était TV on the Radio. Si vous hésitez entre la télé et la radio, c'est le groupe qu'il vous faut. On reste aux États-Unis. Un petit erratum avant. Je vous ai dit que cet album s'appelait Happy Idiots, pas du tout. C'était le nom du single. L'album qui vient de sortir s'appelle Seeds, S2EDS. Voilà, si vous le recherchez. On continue avec un groupe, un grand monument du rock, toujours du côté des États-Unis. C'est Smashing Pumpkins, un groupe qui s'est arrêté pendant quelques années, qui a recommencé en 2006, un groupe qui existe depuis les années 90, et qui va ressortir deux albums, Monuments to an Elegy et Day for Night. Voilà, on écoute un extrait d'un de ces deux albums, le premier donc qui sortira, qui a dû sortir d'ailleurs, Monuments to an Elegy. Le morceau s'appelle Being Beige. C'est les Smashing Pumpkins et donc vous écoutez Billy Corgan au chant. I don't love you for what it's worth. So if you're leaving, can you hurt? Cherry blossom, this is goodbye. Come here lately. And you fly when they say what it's worth. The world tells you first, then you know where to hurt. The world's on fire, so the world's on fire, so the world's. Voilà, on retrouve le son si typique des Smashing Pumpkins et surtout en fait de la voix et de la guitare de Billy Corgan, le seul membre du groupe qui est là depuis 1987. Ils ont quand même signé de très beaux albums, particulièrement dans les années 90. En 95, c'était Melancholy and the Infinite Sadness, que je vous recommande chaudement, qui a été réédité en 2012, tellement qu'il est culte. Et Adore aussi en 98, qui était très bon. Voilà, je vous avoue que j'avais presque raté leur retour. Ça fait quand même déjà depuis 2006 qu'ils sont revenus. Et je sais pas exactement ce qu'ils ont fait depuis ce jour-là. Donc n'hésitez pas à partager vos opinions sur la page Facebook de l'émission. Et ça s'appelle Zik avec un K, Actu. 100K avec un C cette fois-ci, et RDB, vous tapez ça, Zik Actu RDB, et vous tombez sur plein de choses sur internet, maintenant ça remonte bien, vous tombez sur la page Facebook pour participer en direct, et vous pouvez aussi tomber sur la page PodCloud. PodCloud, c'est quoi? C'est un site qui recense plein de podcasts, dont votre émission que vous êtes en train d'écouter. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier les auditeurs fidèles. Je sais qu'il y en a, ils sont bien cachés, ils sont discrets, mais voilà, ça fait quand même pas mal de téléchargements par mois, et je donne un chiffre, au moins 250 par mois. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui écoutent, malgré le peu de retours. Ça fait en tous les cas plaisir, et je vous remercie d'écouter. Vous qui écoutez dans votre voiture, vous qui écoutez chez vous, vous avez bien raison, parce que ce soir il n'y a rien à la télé. Et ceux qui écoutent en podcast, vous avez encore plus raison, comme ça vous écoutez quand vous voulez, et vous avez rien à rater à la télé de toute façon, mais comme ça vous pouvez regarder tranquillement, je sais pas, il y a quoi ce soir, le meilleur pâtissier. Bon, peu importe, finalement tout ça n'est qu'un détail. Nous allons continuer avec les actualités, et l'actualité majeure des États-Unis, c'est quand même la sortie de l'album des Foo Fighters. Ça y est, il est sorti, je vous en avais déjà parlé. On avait écouté un single, on écoute un autre morceau de l'album, il est sorti, il est bon, franchement c'est un bon album malgré tout, les Foo Fighters, comme dirait le spécialiste Clément Grolet. Clément, si tu nous écoutes, ça fait quand même quelques albums que c'est sur le déclin. Ce titre est cependant très bon, sinon je vous le passerai pas. Ça s'appelle The Feast and the Famine, l'album s'appelle Sonic Highways. Vous écoutez les Foo Fighters. Sound of the- C'était les Foo Fighters, un extrait de leur nouvel album Sonic Highways. Le titre s'appelait The Feast and the Famine. Je ne sais pas trop le prononcer, d'ailleurs, il faut faire très attention. On continue toujours aux États-Unis. Il y a deux semaines, on a fait un spécial France, et là, c'est un peu un spécial États-Unis, mais vous inquiétez pas, on va retourner un peu du côté de la France à la fin de l'émission. Si vous avez envie d'entendre du français, il faut rester avec nous. On continue avec un groupe qui s'appelle Dear Roof, un groupe assez incroyable et assez improbable, et tout est possible avec eux. Donc leur dernier album, La Isla Bonita, le prouve encore une fois. Cet album s'appelle, le morceau que je vous passe s'appelle Mirror Monster. Préparez-vous, tout est possible. C'était Dear Roof avec Mirror Monster. J'avais hésité avec un autre titre de l'album qui était complètement différent, complètement grunge. Finalement, celui-là, je regrette pas d'avoir passé celui-là. Et voilà, ce que je vous disais, c'est toujours surprenant. C'est un groupe qui est composé de deux guitaristes, une bassiste chanteuse du nom de Satomi Matsuzaki, qui n'a pas changé aussi depuis le début du groupe, et de Greg Saunier, le batteur, qui chante aussi. Et du coup, je voulais vous lire une petite citation aussi du batteur, donc de Greg Saunier. Il dit « Je n'ai jamais essayé à aucun moment de faire en sorte qu'une seule note de Dear Roof soit étrange ou inaccessible, ou même qu'elle soit de la pop. Je crois seulement que nous jouons de la musique pop et que nous faisons du mieux qu'on peut. » Voilà, finalement, c'est peut-être ça l'essentiel, c'est d'arriver à faire de la musique qu'on a envie de faire, sans se poser la question de comment elle va être reçue derrière. Est-ce que c'est le cas du prochain chanteur? Je ne sais guère. Noël Gallagher, il a quand même une sacrée carrière derrière lui. Noël Gallagher, donc, qui a fait partie du groupe mythique anglais Oasis, et qui sort des albums solo, enfin presque en solo. Le nom exact, c'est Noël Gallagher's High Flying Birds. Voilà le nom du groupe, mais quand même, on voit bien qui c'est, Noël Gallagher, on voit bien qu'il est au centre de tout ça. Et on reconnaît bien son son, on reconnaît bien sa voix, ça va vous rappeler Oasis. Mais bon, il a pris un peu de bouteille, tout ça a quand même bien évolué, c'est Noël Gallagher. C'était Noël Gallagher pour son troisième album qui sort en son nom et donc qui vient de sortir, enfin en son nom. Donc je répète, c'est Noël Gallagher's High Flying Birds. Et il y avait un grand débat dans les années 90, c'était il fallait choisir son camp entre Oasis et Blur. Et voilà. Quand on voit ce que est devenu Noël Gallagher, donc comment a évolué sa musique depuis les années 90, et quand on voit comment a évolué Damon Albarn, donc le chanteur de Blur, qui a quand même formé Gorillaz, qui a joué dans plein de groupes, The Bad, The Good and The Queen, et plein d'autres que, non, que je ne citerai pas tout de suite parce que ça fait beaucoup. Et ben voilà, dès le départ, j'avais une préférence pour Blur, mais je crois que l'histoire a quand même prouvé que Damon Albarn était quand même quelqu'un qui savait se renouveler. Noel Gallagher un peu moins, mais ça reste toujours frais et agréable à écouter. On continue avec un autre artiste beaucoup moins connu, un album que j'ai beaucoup apprécié qui s'appelle My Favorite Faded Fantasy. Et cette fois, on écoute vraiment le nom éponyme parce que c'est bien le nom de l'album et c'est aussi le nom de cette chanson, c'est Damien Rice. C'est très beau, c'est très doux. Vous allez voir, ça dure un peu longtemps, donc détendez-vous. Vous êtes sur RDB, la radio des Boutières. On est mardi soir, le premier mardi du mois, et comme le premier et le troisième mardi du mois, vous écoutez Zik Actu, votre magazine d'actualité musicale. What it all could be. Damien Rice, un auteur, compositeur, interprète, guitariste, pianiste, producteur, clarinettiste et percussionniste irlandais. Faut savoir quand même que son premier album s'est classé en deuxième vente de meilleur album, meilleure vente d'album de tous les temps, forcément après U2 en Irlande. C'est donc son troisième album, My Favorite Faded Fantasy. Et on va faire un tout petit détour que je n'avais pas prévu parce que je viens d'apprendre à l'instant que Damien Rice avait partagé la vie de l'actrice française Mélanie Laurent et participé notamment à son album car elle a sorti un album qui s'appelle En t'attendant. Et du coup, bah, c'était pas prévu, mais j'ai bien envie de savoir ce que ça donne finalement Mélanie Laurent, conseillée par Damien Rice. Le morceau s'appelle En t'attendant sur son album En t'attendant qui est sorti en 2011. J'aurais à faire semblant, peut-être, mais en le faisant bien. C'était Mélanie Laurent, le morceau s'appelait En attendant, extrait donc de son album de 2011. Et oui, Mélanie Laurent a sorti un album, je ne le savais pas non plus. A priori, c'est que ça n'a pas été un gros tabac commercial. C'est plutôt pas mal, finalement. Forcément, c'est bien composé. Il y a quand même quelqu'un aux manettes qui sait de quoi il parle. Et puis, à écouter l'album en entier, finalement. Et puis on en reparle. Via la page Facebook, par exemple, ZikActuRDB. Je resitue un petit peu où vous êtes. Et oui, vous êtes sur la radio des Boutières. Ou sur le podcast de ZikActu. On continue avec ces chanteurs un peu mielleux, avec la voix un peu au parché, avec des tempos un peu lents et des pianos et des quelques guitares. J'avais envie de faire un petit spécial, un petit quart d'heure américain comme ça, mais cette fois on reste en France avec un auteur, compositeur, interprète qui s'appelle Cascadeur. Et oui, c'est assez singulier, mais c'est comme ça, il s'appelle Cascadeur et il a sorti son deuxième album il n'y a pas longtemps. L'album s'appelle Ghost Surfer. Le premier c'était The Human Octopus et j'ai pas envie de vous passer le deuxième parce que il m'ennuie un peu, alors que ce titre qui était dans le premier album, je le trouvais mortel, donc je vous le passe, ça s'appelle Walker. The way to go, I walked for miles, I thought for lies, loser. Now I'm lost, I waste my time, my days. I eat sometimes, I drink some wine, winner. I'm walker. Walker, walker, walker, I'm walker, walker, walker. C'était Cascadeur, un auteur-compositeur-interprète français avec le titre Walker. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose dans ce morceau, une corrélation entre ce qu'il dit et ce qu'il chante et la musique, entre le texte et le son. Voilà, c'est le propre de la chanson, vous allez me dire, mais des fois ça fonctionne mieux que d'autres. Et Walker, donc ça veut dire marcheur, et on a vraiment quelque chose, on sent que ça marche dans cette chanson, que ça avance pas par pas, et moi je le trouve vraiment très bien fait ce morceau. Vous êtes donc toujours dans le quart d'heure américain pas que des américains, parce que Cascadeur est français, et on écoute donc des morceaux un peu langoureux. On est passé par Damien Rice, on va continuer avec Patrick Watson, et Patrick Watson cette fois il est canadien. On écoute le morceau Lighthouse, extrait de son dernier album qui a quand même déjà 2 ans. On n'est plus vraiment dans l'actualité, mais c'est pas grave, on est dans la thématique. Ça s'appelle, l'album s'appelle Adventure in Your Own Backyard et le titre s'appelle Lighthouse. Je pense que vous connaissez. Oh, C'était Patrick Watson avec Lighthouse. On continue dans toujours le bien calme, voilà, il est bientôt 9h, avec Nada Surf, un groupe qui sort toujours des albums, ils en ont sorti 7, et là c'est extrait d'un album, d'une compilation de phase B, Never Heaven Nor Space, Nada Surf. So quiet, it's neither heaven nor space, it's just high, and the ring around the moon looks like light. Nada Surf, et on On va bientôt terminer notre quart d'heure américain, on va bientôt terminer cette émission tout simplement. Et je crois qu'on va essayer de rester un maximum dans, dans cette thématique finalement. Le quart d'heure américain, ça pourrait bien être le titre du podcast, je vais voir ça. J'avais prévu des morceaux français, mais je crois qu'on va, on va rester un peu sur Nada Surf en fait. Et voilà, pour, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces groupes qu'on vient d'écouter, c'est que bah voilà, Cascadeur et Damien Rice font de très beaux morceaux que je vous conseille fortement. À l'échelle de l'album, c'est un peu long, un peu trop, mais ça reste de très beaux compositeurs, contrairement à Patrick Watson qui lui est capable de se renouveler. Et vraiment, les albums de Patrick Watson, je vous les recommande chaudement, parce que il est pas toujours dans ce qu'on a entendu, pas toujours dans ce côté un peu mielleux. Il y a vraiment plein de choses chez Patrick Watson et je vous le recommande. Et on peut aussi retenir que Nada Surf n'a pas composé et n'a pas chanté que Popular. Et oui, ils ont tout un tas d'albums à leur actif, et il n'y a pas que ce tube-là qui n'a finalement pas grand-chose à voir avec le reste de leur composition, mais qui est quand même un super tube. Hein. Et on peut retenir aussi que Nada Surf est un groupe certes américain, mais qui a fait ses études en Belgique et en France. Ils savent donc parler français, ce qui nous permet de terminer cette émission en français avec un titre extrait de leur album Let Go, un album que j'aime beaucoup, qui s'appelle Là pour ça, donc c'est un titre en français de Nada Surf. Pense à moi la prochaine fois que tu entendras la rumeur des vagues. Et si elles te disent que tu m'as fait du mal, ne t'en fais pas. La différence. Je suis là pour ça. suis là pour ça. C'était Nada Surf avec un morceau en français. Vous pouvez retrouver notamment une reprise d'Indochine du côté de Nada Surf, L'Aventurier. Voilà, une reprise plutôt bien exécutée d'ailleurs. Et ils ont sorti récemment aussi un album de reprise qui s'appelle If I Had a Hi-Fi, sur lequel vous pouvez retrouver plein de tubes, plein de morceaux qui les ont influencés. Et vous reconnaissez donc notre petite musique jingle qui ouvre et qui ferme ces émissions de Zikactu. C'était la 13e émission de Zikactu. J'espère que vous avez découvert plein de choses, plein de musique. Et oui, je suis là pour ça. Et vous pouvez être là aussi pour m'en proposer via la page Facebook ZikActuRDB. En tous les cas, je suis ravi d'avoir pu vous aiguiller sur ces groupes là que vous connaissez peut-être déjà. On a écouté The Cooks, un groupe de Britpop TV on the Radio, qui sort son nouvel album qui s'appelle The Seeds. Je me suis déjà planté tout à l'heure, je vais essayer de pas me planter maintenant. Les Smashing Pumpkins qui ressortent pas un mais deux albums. Les Foo Fighters, ça y est, il est sorti l'album Sonic Highways. On a écouté D-Roof, un groupe incroyable qui sort un album par an mais toujours surprenant. On est revenu un peu sur le cas de Noel Gallagher pour ensuite passer à notre quart d'heure américain avec Damien Rice, un petite parenthèse par Mélanie Laurent. Pour ensuite passer à Cascadeur, Patrick Watson et Nada Surf. J'espère que cette émission vous a plu, et ben si c'est le cas, parlez-en entre vous, donnez rendez-vous à tous vos amis le mardi soir, enfin un mardi sur deux, le premier et le troisième de chaque mois, pour découvrir et partager ensemble cette musique. En attendant la prochaine émission, c'est-à-dire dans 2 semaines, une émission qui a de fortes chances d'être teintée de petits flocons de neige et de Papa Noël. Nous verrons, mais ça, vu que ça sera la dernière émission de décembre, ça sera probablement une spéciale Noël. En attendant, je vous souhaite d'écouter plein de belles musiques, je vous souhaite plein de belles choses, et je vous dis à dans 2 semaines. À bientôt.